بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل اليوم في باب الوتر on continue aujourd'hui le sous-chapitre lié au witr رأينا في الدرس السابق أن من صلى قبل العشاء On a vu lors du cours précédent que celui qui prie le witr avant l'Isha, alors son witr n'est pas correct. Cependant, qu'est-ce qui est voulu ici par cette parole ? Est-ce que ce qui est voulu ici, c'est Donc par l'Isha, lorsqu'on dit l'Isha, celui qui prie avant l'Isha, ce qui est voulu ici, c'est avant la prière du Isha ou alors avant le temps du Isha. Qu'est-ce qui est voulu ici? فمن كان مسافرا مثلا فجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب هل له أن يوتر بعد صلاة العشاء قبل وقت العشاء Et donc, par exemple, une personne qui est en voyage. Et durant son voyage, cette personne rassemble la prière du Maghreb et du Isha pendant le temps du Maghreb. Est-ce que cette personne peut prier le witr après avoir prié le Isha avant l'entrée du temps du Isha? وقد اختلفت العلماء في ذلك et les savants ont divergé sur ce sujet. فذهب أحمد والشافعي إلى جواز ذلك أي وقت الوتر يبدأ بصلاة العشاء. Et donc l'imam Ahmed et l'imam al-Shafi'i, ils voient que cela est permis. C'est-à-dire, le temps du witr commence après la prière du Isha. C'est pas après le temps du Isha, mais après la prière du Isha. Même si la prière du Isha est faite avant le temps du Isha, pour celui qui rassemble. والدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي تدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين La preuve est le hadith de Aïcha رضي الله عنها qu'a cité l'imam Muslim dans son sahih. Aïcha رضي الله عنها qui dit le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم accomplissait 11 unités de prière entre le moment où il finissait la prière du Isha, la prière qui est appelée Al-Atama, jusqu'au Fajr. Et il faisait le taslim toutes les deux unités. Donc après toutes les rakatines, il faisait le taslim. قالوا إذن المعتبر هو صلاة العشاء لا وقت العشاء. Ils ont dit donc ce qui compte c'est la prière du Isha et pas le temps du Isha, puisque Aïcha nous dit entre le moment où il a fini la prière du Isha أما المالكية والأحناف فذهبوا إلى أن وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء في وقت العشاء. En ce qui concerne les Malikiyah et les Ahnaf, alors eux, ils voient que le temps du witr, il commence après la prière du Isha quand elle est accomplie dans le temps du Isha. Ça veut dire que tu ne peux pas faire le witr avant le temps du Isha. Il faut que tu le fasses après la prière du Isha, quand elle est accomplie au temps du Isha. وَحَمَلُوا جَمِيعَ الْأَحَدِيثِ الَّتِي فِيهَا الْوِتْرُ بَعْدَ الْعِشَاء إِلَىٰ أَنَّ الْمَعْنَى بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاء فِي وَقْتِ الْعِشَاء. Et donc tous les hadiths qui stipulent le witr après l'Isha, ils vont donc interpréter ces hadiths-là en disant que la signification, c'est après la prière du Isha, durant le temps du Isha. Et donc, ce qui est pris en compte, c'est le temps du Isha. Ce n'est pas la prière en elle-même, mais c'est le temps. والراجح إن شاء الله تعالى ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد أن الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. Et l'avis le plus juste dans ce sujet est l'avis de l'imam الشافعي et l'imam Ahmed رحمهما الله, que le temps du witr commence après l'accomplissement de la prière du Isha, insha'Allah ta'ala, car c'est ce que nous comprenons, c'est ce qui est apparent des textes. C'est ce qui est apparent des textes. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الثاني في باب في هذا الباب. Ensuite, l'auteur il nous cite donc le deuxième hadith dans ce sous-chapitre. Il dit عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. Selon Aïcha radiallahu anha qui dit, de toute la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le witr en début de la nuit, au milieu de la nuit, à la fin de la nuit, et son witr s'est terminé jusqu'au sahar, sahar juste avant le fajr. Fayu'khadhu min hadha al-hadith أن الليل كله وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر كما سلف. Et donc on comprend de ce hadith que toute la nuit est un temps, est un instant durant laquelle, est un moment durant lequel nous pouvons prier le witr. À partir du moment où on a accompli la prière du Isha jusqu'au Fajr, comme on l'a vu précédemment. ثم ليعلم أن الوتر في أول الليل أفضل لمن كان لا يثق من نفسه بالقيام كما ذكره الشيخ النجمي رحمه الله وقد أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. Et ensuite, il est important de savoir que le witr en début de la nuit est mieux pour celui qui n'a pas confiance en lui-même concernant le fait de se lever. Celui qui ne pense pas pouvoir se lever à la fin de la nuit, alors il est mieux pour lui de faire le witr en début de la nuit, comme l'a cité le Cheikh al-Najmi et d'autres parmi les ulémas. Et certes, l'imam muslim a cité dans son sahih que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui craint de ne pas se lever en fin de nuit, alors qu'il fasse le witr en début de celle-ci, en début de la nuit. Amma man kana yathiku min nafsihi fa akhiru al-layli khayrun lahu kama warada fi sunnah anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala فإن قراءة آخر الليل مشهودة. Et en ce qui concerne celui qui, lui, il a confiance en lui-même, il pense qu'il va se réveiller en fin de la nuit. Alors celui-ci, en fin de nuit, alors celui-ci, le mieux pour lui est de faire le witr à la fin de la nuit. Comme cela a été rapporté dans la sunna, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, il y a des témoins qui assistent à la récitation en fin de nuit. Il y a des témoins qui assistent à la récitation en fin de la nuit. Wa min huna nantaliqu ila mas'alatin muhimma. هي من فاتته أو من فاته وقت الوتر بنوم أو غير ذلك من الأعذار فهل يقضي الوتر أو لا يقضي. Et c'est à partir de là qu'on aborde donc un autre sujet, un sujet important, un sujet qui concerne celui qui va rater le temps du witr à cause du fait qu'il a dormi ou autre qu'il peut avoir oublié, par exemple, autre que cela comme excuse. Est-ce que cette personne-là, donc après Fajr, est-ce qu'elle va rattraper ou pas? Pouvons-nous rattraper le witr ou pas? Lorsqu'il est fini, il est fini. ذكر العلامة النجمي رحمه الله في هذه المسألة أحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكر أو استيقظ أخرجه أبو داود وقال الشيخ إن سنده صحيح. Donc le Cheikh Najmi Rahimahullah, il a cité concernant ce sujet plusieurs hadiths. Et parmi ceux-ci, le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dort pendant le temps du witr, ou qui l'oublie, alors qu'il l'accomplisse lorsqu'il s'en rappelle ou qu'il se réveille. Hadith rapporté par Abu Daoud et le Cheikh Najmi nous dit isnaduhu sahih, sa chaîne de transmission est correcte, est authentique. Wa aydan hadith Abi Nuhayk anna Aba Darda khataba an-nas fa qala la witra liman adrakahu as-subh. فانطلق رجال إلى عائشة رضي الله عنها فأخبروها فقالت كذب أبو الدرداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر. قال الشيخ النجمي رحمه الله أخرجه المروزي وسنده حسن. Et aussi parmi les preuves il y a le hadith de Abi Nuhayk qui stipule que Abu Darda a fait un discours dans lequel il a dit aux gens, il n'y a pas de witr. Il n'y a pas de witr pour celui qui se retrouve à l'aube. Et donc à l'aube, tu n'as pas prié, le witr, c'est bon, il n'y a pas de witr. Alors des hommes sont allés jusqu'à Aïcha radiallahu anha et l'ont informé de cela. Aïcha, elle a dit, Kadhab Abu Darda. Abu Darda s'est trompé. Ici, Kadhab, ça veut dire se tromper. Et donc elle nous dit, Aïcha radiallahu anha, Abu Darda s'est trompé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à l'aube, yusbihu, à l'aube, et il faisait le witr. Le Cheikh Najmi rahimahullah, il nous dit, la chaîne de transmission est correcte, rapportée par Al-Marwazi. وهذا القول أي القول بجواز القضاء منسوب إلى مجموعة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. Et cet avis, c'est-à-dire l'avis qui stipule que nous pouvons rattraper le witr même après le fajr, c'est un avis qui est attribué à plusieurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des tabi'in et donc les أئمة الأربعة, les quatre grandes écoles. القول الثاني كذلك منسوب إلى مجموعة من الصحابة والتابعين وكذلك إلى الإمام الشافعي وأحمد. Le deuxième avis, quant à lui, il a été attribué à aussi un autre groupe de compagnons et de tabi'in et aussi à l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Donc, ils ont deux narrations dans ce sujet. فمن أدلتهم ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. Et parmi leurs preuves, il y a ce qu'a cité Ibn Khuzaymah dans son Sahih, selon Abi Sa'id al-Khudri, marfou'an, c'est-à-dire la parole qui est attribuée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, celui donc qui est rattrapé par l'aube, celui qui est rattrapé par l'aube et qu'il n'a pas, et qui n'a pas fait le witr, alors il n'a pas de witr. Alors il n'a pas de witr. Le Cheikh Najmi dit wa isnaduhu sahih. Sa chaîne de transmission est authentique. فعندنا نصوص متعارضة في الظاهر وقد جمع الشيخ النجمي رحمه الله بين هذه الأحاديث فقال إن الفجر إذا طلع فقد ذهب وقت الأداء للوتر وأما ما جاء فيه ذكر الوتر بعد الفجر فمعناه القضاء لا الأداء. Et donc nous avons ici des textes qui s'opposent de façon apparente. Des textes qui s'opposent de façon apparente. Certains qui nous montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié le witr après le fajr. D'autres textes qui nous montrent qu'il n'y a pas de witr après le fajr. Et donc le Cheikh Najmi, rahimahullah, il a rassemblé entre tous ces textes, entre tous ces hadiths, en disant que ce qui est voulu par là, c'est que lorsqu'arrive l'aube, elle le fajr, et que la personne n'a pas prié le witr, alors c'est le temps d'accomplissement qui s'est terminé. Le temps que nous avons pour accomplir le witr. Fais la witr là. Il n'a pas de witr, c'est-à-dire le temps d'accomplissement est terminé. Mais les hadiths qui montrent qu'il y a le witr après fajr, ce qui est voulu par là, c'est le rattrapage. Le temps de rattrapage. Et donc on fait la distinction entre le temps d'accomplissement et le temps de rattrapage. Et donc, la personne qui n'a pas fait le witr pendant le temps d'accomplissement, elle le fait pendant le temps de rattrapage, inshallah ta'ala. Et comme cela, le shaykh nous dit, on aura œuvré avec tous les hadiths qui ont été rapportés dans le sujet. Et wallahu ta'ala a'la wa a'lam. On arrête là pour ce soir, on reprend demain. Bi'idnillahi ta'ala, demain on essaie de finir le sous-chapitre. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wardah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayra.